بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc dans notre cours du livre قرة عيون الموحدين. قرة عيون الموحدين, c'est le شرح de كتاب التوحيد. Et comme on l'explique à chaque fois, c'est le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Abdurrahman ibn Hassan, c'est le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Et ce charh, c'est un charh résumé. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il a fait les commentaires de ce charh. Donc nous, on lit le commentaire avec le charh de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et le commentaire de Cheikh Al-Fawzan. Donc on est arrivé maintenant au chapitre Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le mérite du Tawhid et ce qu'il expie comme péché. Et on a expliqué jusqu'à date dans le charh le premier verset qui est mentionné, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Ça, on l'a expliqué. Et on a expliqué, on a terminé la semaine passée l'explication, ou bien plutôt une partie du hadith de Ubadat ibn Samit. On a commencé à l'expliquer. Dans ce hadith-là, il y a plusieurs phrases. Donc on va le relire, puis on va commencer l'explication ensuite, inshallah. Donc, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc ça, ce hadith-là, jusqu'à date, dedans, bon, si on le traduit, ça signifie que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque témoigne que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Isa, c'est-à-dire Jésus, est son serviteur, et le serviteur d'Allah est son messager, et une parole qu'il a mise en Maryam, et une âme qu'il a créée, ainsi que le paradis est vérité, et l'enfer est vérité, Allah le fera rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action. » Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On a expliqué dans ce hadith jusqu'à date les trois premières phrases, « Man shahida an la ilaha illallah » et on a expliqué « Wahdahu la sharika lah » et on a expliqué وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Dans le dernier cours, on a terminé cette partie-là. Et maintenant, on va expliquer l'autre partie. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. C'est-à-dire que Jésus est son serviteur et son messager. Donc, c'est à cette partie-là, c'est de cette partie du hadith qu'on est arrivé. Donc, on va parler de Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie. Et la aqida des musulmans par rapport à Isa alayhi salam. Donc le cheikh il dit, qawluhu, donc ça c'est le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, qawluhu, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, fihi bayanul haqq alladhi yajibu i'tiqaduhu kama fil ayat al muhkamat, wa ma fiha min ar-radd ala kuffar an-nasara. وهم ثلاث طوائف. طائفة قالوا أن عيسى هو الله, وطائفة قالوا أنه ابن الله, وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة, يعنون عيسى وأمه. فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Donc on va traduire ça, puis après on va expliquer chaque point, les commentaires que le cheikh a fait, Cheikh Al-Fawzan, sur cette partie-là. Donc il explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, que Isa, c'est-à-dire Jésus, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Et il dit qu'il y a dans ça l'explication de la vérité par rapport à ce qui est obligatoire pour nous les musulmans de croire, hein, comme ça a été mentionné dans plusieurs versets qui sont clairs et explicites à ce sujet-là. Et il y a également dans ça une réfutation des koufars chrétiens, hein, qui sont divisés en trois groupes par rapport à leur croyance vis-à-vis de Jésus, le fils de Marie. Il y a un groupe parmi les chrétiens qui disent « Jésus, c'est Dieu lui-même ». Hein? Ils disent « c'est Allah ». Hein? Et un autre groupe parmi eux qui disent « c'est le fils d'Allah ». Et un autre groupe parmi eux qui disent « Thalithu Thalatha », c'est-à-dire, hein, qu'il est un parmi les trois. Ils disent qu'ils forment une trinité. Et il dit, le cheikh, qu'ils veulent dire par cela Jésus et sa mère. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous clarifie dans le Coran la vérité à ce sujet-là et il réfute le faux. Et il cite par rapport à cette question un verset dans Surat An-Nisa qui est le verset 171. Donc on va lire ensemble le verset 171 et sa traduction, Inch'Allah, pour avoir la clarification à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a clairement expliquer et réfuter les chrétiens sur leur croyance dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « Ô gens du livre », c'est-à-dire les chrétiens, « n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah, hein, ou à propos d'Allah, que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Mariam, Marie, et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, hein, comme les chrétiens qui disent, hein, qu'ils croient en la Trinité. Hein, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, une divinité unique. Il est trop glorieux pour avoir un fils, hein, ou un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ah, et Allah suffit comme protecteur. » Donc ça, c'est la partie du verset que le cheikh a cité. Et si on continue, il y a d'autres explications également à propos de Jésus. Donc le cheikh, il s'est arrêté là. Nous, on va expliquer maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur chacun de ces points-là. Il dit en premier, le cheikh, لأن عيسى نعم par rapport au fait que يعني, il y a des versets clairs à ce sujet-là. Il dit لأن عيسى عليه السلام ضل فيه طائفتان الطائفة الأولى طائفة اليهود وقد فرطوا في حقه وجحدوا رسالته وجعلوه قبحهم الله ولد بغي لأنه ليس له أب والطائفة الثانية طائفة النصارى الذين غلوا في حق المسيح عليه السلام حتى اتخذوه إلها مع الله عز وجل وأفرطوا في حقه عليه السلام فالمسلم يخالف الطائفتين فيشهد برسالته ونبوته ولكن لا يغلو فيه كما غلت النصارى ولا يجف في حقه كما أجفت اليهود أو كما جفت اليهود. Donc le cheikh, il explique que les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ils ont dévié et ils se sont divisés en deux groupes par rapport à leur déviation vis-à-vis de Jésus, le fils de Marie. Le premier groupe d'entre eux, c'est le groupe des juifs. Et ils ont dévié à propos de Jésus, le fils de Marie, à son sujet. Ils ont dévié à son sujet parce qu'ils ont nié qu'il était un messager d'Allah. Ils ont nié qu'il était envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et ils ont fait de lui, que Allah les maudisse, pour ça, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont fait de lui, que Allah les maudisse pour ça, un enfant illégitime. Comme s'il était un enfant illégitime. Ça veut dire quoi un enfant illégitime? C'est-à-dire un enfant qui est né hors mariage, comme s'il était le résultat comme si sa mère n'était pas une femme honorable. Comme s'ils accusent sa mère d'avoir commis un péché. Et donc, du fait que Isa alayhi salam n'avait pas de père, eh bien, ils l'accusent d'être un enfant illégitime, et ils accusent sa mère d'être une femme dévergondée ou qui aurait fait des péchés. Donc ça, c'est le premier groupe. Et l'autre groupe qui est dans l'autre extrême, c'est les chrétiens. Et eux, ils ont exagéré dans leur attitude envers Jésus, envers le Messie, au point de faire de lui une divinité et de l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah. Donc, ça c'est l'autre extrême, ceux qui ont exagéré à propos de Jésus dans la façon dont ils l'élèvent. Tandis que les juifs, eux, c'est dans l'autre extrême. Ils ont exagéré à propos de Jésus dans la façon qu'ils l'ont rabaissé. Donc, un groupe qui l'a élevé au-dessus de son degré, et un autre groupe qui l'ont rabaissé à un niveau plus bas que ce qu'il mérite. Et le cheikh, il dit, tandis que le musulman, lui, il contredit ces deux groupes. Et il est dans le juste milieu, puisqu'il témoigne que Isa alayhi salam, Jésus est un messager, un prophète. Donc ça, c'est un grand respect et un grand honneur. Mais en même temps, on ne va pas tomber dans l'exagération à son sujet de la façon dont les chrétiens ont exagéré et qui ont fait de lui un dieu ou une divinité. Donc on est entre le groupe des deux groupes, ceux qui ont exagéré, qui ont élevé Isa, et ceux qui l'ont dénigré, comme les juifs. Et le cheikh dit ensuite, ils sont trois groupes. Le premier groupe, ceux qui disent que Jésus c'est Allah. Et le cheikh dit, كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ce groupe-là, Allah les a déclarés kuffar dans le Coran, dans le verset 17 dans sourate Al-Ma'ida. Il dit à leur sujet, certes, ils ont renié la foi, ils ont mécru. Ceux qui ont dit, Allah c'est le Messie fils de Marie. Donc ceux qui disent, Allah c'est le Messie fils de Marie, c'est des kuffars. Allah il le dit clairement, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمُ. D'accord. Et il faut comprendre aussi que les chrétiens, la plupart d'entre eux, ils disent que Jésus c'est Dieu. Et la réalité à ce sujet-là, c'est que c'est les groupes les plus répandus parmi eux, comme les catholiques. Et les catholiques forment le groupe de chrétiens les plus nombreux parmi les chrétiens. Et ensuite, l'autre groupe qui suit après, c'est les protestants. Les protestants aussi, ils ont la même croyance. Ils disent que Jésus, c'est Dieu. Et les orthodoxes aussi, la même chose. Les orthodoxes, c'est le troisième. Ça, c'est les trois plus gros groupes parmi les chrétiens. Et il y a d'autres groupes parmi les chrétiens qui, eux, sont plus minoritaires et qui peuvent avoir des croyances différentes. Et parmi eux, par exemple, tu trouves les unitariens. Les unitariens, eux, ils disent, Jésus, c'est pas Dieu. C'est un prophète parmi les chrétiens. Mais eux, ils sont vraiment minoritaires. Tandis qu'il y en a aussi parmi les chrétiens, comme des sectes, comme le Témoin de Jéhovah, par exemple. Eux, ils disent pas, ils croient pas en la Trinité. Donc ils disent que Jésus c'est pas Dieu mais c'est le fils de Dieu, hein, ou des choses comme ça. Donc ils ont différentes tendances parmi les chrétiens, ils sont pas tous nécessairement sur la même croyance, d'accord? Mais ceux qui disent qu'il est fils de Dieu, parmi ceux qui disent qu'il est Dieu, ils disent qu'il est en même temps fils de Dieu. Parce qu'ils disent Dieu, il est trois personnes en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils disent les trois, ça forme un. Donc ça, c'est leur croyance. Donc parfois, tu vas parler avec un chrétien, tu lui dis, vous dites que Jésus, c'est Dieu. Ils disent, non, on dit pas qu'il est Dieu, on dit qu'il est fils de Dieu. Hein? Mais la réalité, c'est qu'ils disent ils disent les deux. Ils disent qu'il est Dieu et fils de Dieu en même temps. C'est ça qui est absurde dans leur croyance. Ensuite, il dit, donc, il y a un autre groupe également, donc le premier qui disent que Isa c'est Allah, le deuxième groupe qui disent qu'il est le fils d'Allah, comme on l'a expliqué. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran, dans le verset 30, dans surat At-Tawbah, il dit « وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ » يسمونه الابن المخلص. Et le cheikh il dit donc ce verset dans surat At-Tawbah, le verset 30 qui dit, et les chrétiens ont dit le Messie est le fils d'Allah. Donc ça veut dire que c'est ça leur une de leurs croyances, c'est ça. Et il l'appelle le fils, al-ibn al-mukhallis, ça veut dire le fils rédempteur, celui qui est venu soi-disant pour expier ou pardonner les péchés des hommes, hein? Parce qu'ils disent que le fait qu'il soit venu, en fait c'est toute une histoire, une croyance bizarre que les chrétiens ont à propos de Jésus. C'est qu'ils disent que quand Adam il a désobéi à Allah, il a mangé du fruit de l'arbre, eux ils, déjà à la base ils ne croient pas que Allah l'a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, il dit, dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, par la suite Adam il a eu des remords, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné des paroles, hein, pour qu'il puisse se repentir, et il s'est repenti et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sa repentance. Donc pour nous c'est clair dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il a pardonné à Adam alayhi salam son péché qu'il a commis d'avoir désobéi, d'avoir mangé du fruit de l'arbre. Sauf que les chrétiens, eux, ils connaissent pas ça, ils savent pas ça, parce que c'est pas mentionné dans leur livre, c'est pas mentionné. Donc qu'est-ce qui arrive? Eux ils disent l'être humain, du moment que Adam il a commis le péché, donc c'est comme si son péché à lui, eh bien il descend sur toute sa progéniture, toute sa descendance. Donc tous les êtres humains sont affectés par le péché de Adam alayhi salam. Donc il dit que par rapport à ça, il y a rien qui pourra donc effacer ce péché là ou lui pardonner, excepté s'il y a un sacrifice qui est fait. Et il faut qu'il y ait du sang. Il dit il faut qu'il y ait du sang qui coule pour nettoyer ou effacer le péché de l'humanité. Et donc, il faut que ce sacrifice-là, ils disent, il faut que le sacrifice soit parfait. Donc, Dieu, ils disent, Dieu est devenu un homme parfait. Donc, il s'est transformé en être humain. Et il est venu sur terre pour se faire tuer par les hommes, pour expier le péché des hommes. C'est une croyance extrêmement bizarre, hein, franchement. Et c'est une croyance même qui fait pas de sens. Donc c'est-à-dire complètement illogique, hein, irrationnel. Mais les gens qui sont convaincus de cette croyance-là ou qui ont cru en cette croyance-là, ils réfléchissent plus en réalité. Ils pensent plus, ils utilisent plus leur raison. Donc, quand ils en parlent, hein, ils se posent pas la question par la suite. Ils font juste répéter, comme des robots, comme des perroquets, hein, sans réfléchir deux secondes. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est même en accord avec l'enseignement des prophètes? Parce que comme on a expliqué déjà, les péchés que le père fait, ça va pas découler sur le fils. Et les péchés que le fils fait, ça va pas toucher le père. Au jour de la résurrection, chacun va être jugé pour ses péchés à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » Une âme n'aura pas apporté le fardeau ou le poids du péché d'une autre âme. Hein? Chacun sera jugé pour ses péchés à lui. Et même dans la Bible, hein, c'est mentionné cette réalité-là, que le père ne sera pas puni pour le péché du fils, ni le fils pour le péché du père. Donc d'où vient cette croyance en, comme ils appellent ça, le péché originel, hein? Donc ça vient de leur propre invention en réalité. Et l'idée qu'il faut qu'il y ait un sacrifice parfait en échange de ça. Ça aussi, ça fait pas de sens. Hein? Et en même temps, donc il y a ce groupe-là qui croit en ça. Puis après, le troisième groupe, il dit ceux qui disent qu'il est trois, hein, le troisième du trois, c'est-à-dire ceux qui croient en la Trinité. Hein? Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet, كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أي الله وعيسى وروح القدس ثم يقولون إله واحد فكيف تكون الثلاثة شيئا واحدا هذا لا تصدقه العقول ولا تتصوره ولا نزل به كتاب ولا سنة وإنما هو شيء ابتدعوه ولذلك تسمى عقيدتهم بعقيدة التثليث أو المثلثة. Donc le troisième groupe, c'est ceux qui croient en la Trinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés kuffar dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 73 dans sourate Al-Ma'ida, certes ils ont mécru, ils ont renié la foi, ceux qui ont dit Allah est le troisième du trois. Hein? C'est-à-dire, ils disent Allah, Isa et l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus. Hein? Donc, ils disent Dieu le Père, Dieu le Père, ils disent c'est Allah, le Créateur, Dieu le Fils. Hein? Donc c'est celui qui est venu sur terre, soi-disant pour effacer le péché des hommes, et Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça ils l'expliquent pas. Hein? En général, ils disent, certains chrétiens ils disent ça c'est la force de Dieu. Hein, l'Esprit Saint ils disent ça c'est la force de Dieu. Ou d'autres expliquent ça de différentes façons. Qu'ils disent que c'est l'Esprit de Dieu. Hein. Donc, comme par exemple, ils disent, Jésus c'est le Fils qui est de, qui, ils disent que c'est l'incarnation de Dieu. Incarnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, hein, celui qui est devenu, qui s'est fait chair, qui est devenu comme avec un corps de chair. Les frères, ils ont comme tourné le truc, alors j'arrive pas à le. Ouais. Si tu peux le retourner vers moi, comme ça serait plus facile après. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Ok. Voilà. Non, ça fonctionne. Mais je sais pas, vous avez pas froid un peu? Parce que moi je sens le froid qui vient jusqu'à moi. Oui, hein? Un peu, oui. Frère, Inch'Allah. Donc, ils disent, hein, comme je disais tout à l'heure, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils disent ces trois-là, ça forme un. Et quand tu regardes, par exemple, dans la Bible, leur livre à eux, le livre de... que eux ils ont divisé en deux parties, l'Ancien Testament c'est tout ce qu'il y avait avant Jésus, puis le Nouveau Testament c'est qu'est-ce qui est arrivé à partir de Jésus et avec les apôtres après qu'est-ce qui est arrivé. Donc ça c'est leur livre, ils l'ont divisé en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, dans le Nouveau Testament, Hein? Ils disent, hein, il y a plusieurs livres dedans, il y a plusieurs histoires dedans, et ils parlent de Jésus, ils mentionnent qu'est-ce que Jésus aurait dit, qu'est-ce qu'il aurait fait. Et parmi les choses qui sont mentionnées dedans, ils disent que quelqu'un est venu pour voir Jésus. Hein? Ça, c'est dans leur livre que c'est écrit. Ils disent, bon maître, hein, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et lui, il répond, il dit, ne m'appelle pas bon, seulement Dieu est bon. Hein? Ça, c'est mentionné dans leur livre. Donc tu dis, mais comment? Il dit, hein, qu'il n'est pas Dieu clairement dans ce verset-là, puisqu'il dit, ne m'appelle pas bon, seulement Dieu est bon. Subhanallah. Et malgré ça, eux, ils disent non, mais ça, c'est parce que là, ils ne parlaient pas comme. Ils parlent avec sa dimension humaine. Des fois, ils parlent avec sa dimension soi-disant divine, d'autres fois, ils parlent avec sa dimension humaine. Hein? Donc, c'est comme ça. C'est comme s'ils essaient de faire croire comme si Isa alayhi salam, il avait deux personnalités en lui. Comme quelqu'un qui est schizophrénique, hein, schizophrène. Parfois, il parle, c'est une autre personne. Et tout d'un coup, il se transforme, il change de personnalité, il parle, c'est une autre personne. Pourtant, c'est une seule personne. Mais il parle différemment, de différentes façons, hein, parce qu'il a double personnalité. Donc, eux, ils essaient de dire un peu comme ça, que Jésus, il avait deux personnalités. Une fois, c'était Dieu, une fois, il n'était pas Dieu. Hein? Donc, ça fait aucun sens aussi. Donc, quand ils disent, par exemple, que là, il dit ça, là, il dit, ah, mais ça, c'est parce qu'il n'était pas Dieu à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il était humain. Après, un autre endroit dans la Bible, c'est écrit, quelqu'un est venu lui poser la question, quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier? Quand est-ce que va venir l'heure? Hein, ça. Et lui, il répond, il dit, nul ne sait l'heure. Hein, ni les anges, ni le Fils, en voulant dire rien, même lui ne connaît pas l'heure, seul Dieu connaît l'heure. Hein? Donc là, il dit clairement que Dieu connaît l'heure du jugement dernier, puis le Fils ne le connaît pas. Si c'était lui le Fils, et que Dieu c'est le Père, soi-disant, et que les deux sont la même personne, comment un peut savoir quelque chose puis l'autre ne le sait pas, si les deux sont la même personne? C'est pas possible, hein? Est-ce qu'il peut se cacher quelque chose à lui-même? Hein? Et c'est pour ça que l'autre jour, j'ai trouvé, je disais ça à un frère, j'ai discuté avec un frère de ça, à propos d'un père qui est avec sa petite fille, puis qui lui fait lire un livre qui parle de Jésus. Hein? Puis, je veux vous faire voir ça. Oui, c'est très drôle cette vidéo. La petite fille, elle lit avec son père le livre. Donc, elle tourne les pages, puis là, elle arrive sur un passage où ça parle de Jésus. Hein? As Jesus grew up, he learned more and more about God. Jesus is God. How can he learn more and more about himself? Because Jesus is God. That's a great question, Em. So how can he learn more and more about himself? Because it said, Jesus grew up. He learned more and more about God, his Father. Well, because when Jesus came down to earth, mm-hmm. He grew up as a regular human being, too. So he would read the Bible and that kind of thing. So he would learn more and more about himself? Mm-hmm. By reading the Bible? Mm-hmm. I learned more and more about myself sometimes. I read the Bible? Donc, c'est pour dire, hein, et comment les enfants, comme Allah il dit dans le Coran, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi, les hommes sont nés sur la fitra. Hein? فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Ouais, les enfants sont nés musulmans à la base de leur fitra. Et c'est les parents qui les font devenir chrétiens ou juifs. Okay, je vais traduire qu'est-ce qu'elle a dit, la petite fille. Elle récite, elle lit un livre, puis dans le livre c'est écrit As Jesus grew up, c'est-à-dire quand, pendant que Jésus commence à grandir, il commence à apprendre de plus en plus à propos de Dieu. Alors là, la petite fille a dit, mais si Jésus c'est Dieu, comment il peut apprendre plus à propos de lui-même? Hein? Elle dit, ils disent dans le livre, plus que Jésus grandissait, il apprend de plus en plus à propos de lui-même. Comment il peut apprendre à propos de lui-même, et comment il peut apprendre à propos de Dieu alors que c'est lui Dieu? Et son père, il lui dit, oui, mais en même temps, quand Jésus est venu sur terre, hein, même si c'était Dieu, mais il grandissait comme un être humain ordinaire, hein, en même temps. Elle dit, ah, ok, donc il lisait la Bible pour plus connaître des choses à propos de lui-même, alors qu'à l'époque, la Bible même n'existait même pas, comme c'est la Bible d'aujourd'hui, là. Hein. Donc c'est pour dire, Yanné, c'est comme si elle dit, comme si Dieu avait besoin de lire la Bible pour apprendre à propos de lui-même. Déjà, ça fait pas de sens. Hein? Parce que si c'est lui Dieu, il n'a pas besoin de dire, si c'était lui Dieu, comment il a besoin d'apprendre à propos de lui-même dans un livre? Hein? Donc c'est pour dire comment leur croyance elle est absurde. Et c'est pour ça, vous savez, que les chrétiens, quand ils parlent de la Trinité, ils l'appellent pas juste comme ça, la croyance ou le dogme de la Trinité. Ils disent le mystère de la Trinité. Ils disent le mystère de la Trinité, parce que je me rappelle, depuis qu'on était tout petits, ils ont dit ça, c'est un des mystères. La Trinité, c'est un des mystères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on te l'explique, tu pourras jamais le comprendre. Et ils disent ça, c'est des choses, il faut juste croire. Oui, il faut juste croire et il faut pas se poser de questions et il faut pas non plus réfléchir à ça. Et à chaque fois, comme je le mentionne à chaque fois, ma grand-mère, hein, elle était catholique toute sa vie, et quand je suis devenu musulman, hein, souvent je discutais avec elle et je lui disais, mais grand-maman, tu vois pas que ça c'est pas logique, hein, la Trinité, ça tient pas. Puis elle disait, ça c'est un mystère. Les prêtres, ils nous disaient que ça, c'est un mystère, on ne peut pas le comprendre, mais il faut y croire. Et elle a dit, et on va seulement le savoir quand on va au jugement dernier, Dieu va nous montrer la vérité à ce sujet-là. Et donc, avant ça, on ne peut pas comprendre. Donc, j'ai dit, mais grand-maman, tu sais qu'au jour de la résurrection, il va être trop tard. Si jamais, hein, tu réalises au jour de la résurrection que ce que tu as cru comme croyance à propos de Dieu, à propos de Jésus, que ça c'est faux, hein, donc là il va être trop tard pour te repentir et pour accepter la vérité. C'est maintenant que tu dois, hein, réfléchir et accepter, hein, la vérité. Et malgré tout, Yanné. Donc c'est pour vous dire que en réalité, l'Église catholique, elle a comme fait un lavage de cerveau aux gens et elle les a programmés à croire de façon aveugle, de façon complètement aveugle. Un musulman, il va aller voir un alim, un cheikh, hein, un imam, il lui pose des questions sur la religion, à propos de la aqida, à propos de la croyance, à propos de l'islam. Il va toujours dire, si l'imam dit quelque chose, il va toujours lui dire, mais est-ce que tu peux me donner un dalil? Est-ce que tu peux me donner la preuve? Où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Où est-ce que c'est écrit dans le hadith? Est-ce que le hadith il est sahih? Ou est-ce qu'il est da'if? Où est-ce qu'il est maudou'? Dans quel livre? Montre-moi, hein? C'est qui rapporte ce hadith-là? Quel parmi les ulama l'ont mentionné authentique? Hein? Donc, le musulman, il ne croit pas aveuglément. Il accepte pas tout ce que le cheikh il dit ou l'imam, qu'est-ce qu'il dit, du moment que c'est un alim, lui il l'a dit, ça veut dire je l'accepte aveuglément. Tout ce qu'il dit c'est la vérité. Non, il y a pas ça dans l'islam. Hein? Ça existe où? Cette idée-là, cette pratique, cette mentalité-là, ça existe chez les kuffars et les mushrikines et ça existe chez les gens de bid'ah. C'est chez eux que tu trouves ça. Donc les chrétiens, eux, c'est comme ça que les prêtres les ont éduqués à croire aveuglément et à accepter tout ce que le prêtre dit, de jamais remettre rien de ce que le prêtre mentionne. De même que le pape. Pour eux, le pape, il y a beaucoup d'entre les catholiques qui croient que le pape est infaillible. Ou que l'Église. Il y en a qui disent l'Église est infaillible. En parlant de l'Église, ils parlent de la communauté de tous les chrétiens, ils disent l'Église est infaillible, ça veut dire que si le Vatican juge quelque chose, ça veut dire que c'est ça la vérité. Et comme s'ils croient que Dieu les a protégés de l'erreur, donc ils ne peuvent pas se tromper. Et pourtant, quand tu regardes dans l'histoire, tu vois tous les égarements et les ignorances et les erreurs et les injustices que l'Église a fait. Ça, selon eux, ça voudrait dire que c'est Dieu qui l'aurait, qui l'aurait ordonné. Donc ça, c'est clair que c'est de l'égarement. Et donc, la même chose pour le pape. Ils disent qu'il est infaillible quand il dit quelque chose. Donc, ça, c'est des choses qui, dans l'islam, ça n'existe pas. Le seul qui est infaillible dans notre croyance, nous les musulmans, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il n'y a pas de personne qui est infaillible dans ce qu'il dit à propos de la religion. Donc, ça veut dire que tout le monde peut se tromper, peu importe, même si c'est le plus grand savant au monde, même si c'est le plus pieux au monde, il peut avoir une erreur ou se tromper. On a le droit de lui dire hati, قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ramène tes preuves si tu dis la vérité. D'accord? Donc les chrétiens, eux non. C'est pas comme ça. Les chrétiens, le prêtre, il a dit quelque chose, ça veut dire que c'est la vérité. Et il l'accepte. Et il ne se pose plus de questions. Les chiites, chez les chiites, par exemple, parmi les rafidas, si leur imam ou leur cheikh, il leur dit quelque chose, ils l'acceptent. Ils ne posent pas de questions. Ils croient qu'est-ce qu'il dit, c'est la vérité. Si tu vois les rafidas, par exemple, les chiites, leur éducation, comment ils sont éduqués, c'est d'accepter aveuglément tout ce que les maulas ou qu'est-ce que les chouyours des chiites enseignent. Donc c'est pour ça que tu les vois, ils font du shirk, ils adorent les tombes de leurs imams, ils font des pèlerinages là à ces tombes-là, ils adorent les descendants de Ali radiallahu anhu ainsi que lui-même. Et sa fille, et sa femme, et ses fils, ils les adorent comme des divinités en dehors d'Allah. Qu'est-ce que les chrétiens font avec Isa, alayhi salam? Eh bien, les rafidas, ils le font avec Ali, radiallahu anhu, al-Hussein, et les autres descendants de la famille. Donc, ils les adorent comme des divinités, ils les élèvent comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa, alayhi salam. Et ils enseignent à leurs fidèles de suivre aveuglément et d'accepter tout. Même des choses qui contredisent le Coran et la Sunna. Et une autre, également un groupe parmi lesquels on trouve cette attitude-là, c'est chez les soufis. À soufis, ils enseignent à leurs fidèles d'accepter et de croire aveuglément à tout ce que le cheikh enseigne. Peu importe qu'est-ce qu'il dit, peu importe qu'est-ce qu'il fait, même si c'est contraire au Coran et à la Sunna, yani, il faut que tu l'acceptes. Et tu dois y croire et le prendre. Parce qu'ils disent, le cheikh, il a une connexion directe avec Allah. Donc il ne peut pas se tromper. Donc ça, c'est la croyance des gens de l'égarement. Tandis que nous, les musulmans, on n'a pas ça. On n'a pas le droit d'être des suiveurs aveugles. De faire le taqlid, l'a'ma, de suivre aveuglément une personne dans sa religion. Il faut suivre al-dalil, la preuve. C'est pour ça que les ulama d'Ahl Sunna, ils se concentrent tout le temps sur le fait de mentionner les versets et les hadiths. Quand tu vas lire les livres des ulama de Ahl Sunna, tous leurs livres c'est des preuves. Coran, hadith. Tu vois, Kitab al-Tawhid, Hein? Tu vois Kitab al-Tawhid, subhanallah, que des versets et des hadiths. C'est ça, il n'y a que des preuves. Tu vois les livres d'Ibn Taymiyyah, tu ne trouves même pas peut-être une page où il n'y a pas un verset de Coran ou un hadith dedans. Tout son livre est rempli du début jusqu'à la fin de Adilla. Hein? Tandis que tu regardes les livres des gens de Bid'a, c'est rempli de kalam, kalam, kalam, kalam, kalam. Il n'y a pas de dalil. Pas de dalil. Hein? C'est basé sur l'aql, la raison. Et si tu leur mentionnes des versets ou des hadiths, non, non, mentionne pas le Coran, on va utiliser notre tête. Hein? Ils ne veulent pas argumenter avec les preuves. Donc, c'est ça leur égarement. Yani. Donc, comme je disais, le verset qui dit, hein, nul ne sait l'heure, personne seulement, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'heure, et ça confirme. Quand Jibril il est venu, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, yani, mat-sa'a, qala mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. C'est-à-dire, quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier, il a dit, nul ne sait l'heure. Hein, nul ne sait l'heure. Celui qui pose la question, il ne sait pas plus. Mal mas'oulu anha, celui qui est questionné ne sait pas plus que celui qui pose la question. On ne sait pas quand est-ce que ça va être l'heure. Et l'Esprit Saint, pour eux, comme je disais, ils ne savent pas. Ils disent c'est la force de Dieu. Ils disent c'est Dieu qui est entré en Jésus. Hein, ils disent c'est comme Jésus, c'était une enveloppe charnelle, un corps, puis l'esprit qui était à l'intérieur, l'âme qui était à l'intérieur, eux ils disent que c'était Dieu. Hein. Donc il avait une âme divine et un corps humain. Hein. Certains d'entre eux ils disent ça. Donc ils disent Dieu s'est fait chair. Et certains d'entre eux même aussi, et ça je l'ai entendu souvent, ils disent Dieu voulait connaître la souffrance des hommes. Il voulait savoir comment les hommes vivent et comment ils souffrent. Alors il est devenu un homme sur terre. Hein, pour pouvoir expérimenter la souffrance humaine, hein, et des choses comme ça. Donc ça fait pas de sens. Ça, c'est insensé aussi parce que c'est Allah qui a créé l'homme et il sait toutes choses et il a créé leur souffrance. Alors comment il va pas les connaître? Allah dit dans le Coran: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Hein, ne va-t-il pas connaître? Hein, alors que c'est lui qui a créé, hein, et il est le doux et le parfaitement informé. Donc ça, tout ça c'est pour dire, nous les musulmans, on sait que Ar-Ruh al-Qudus, c'est Jibril alayhi salam. L'Esprit Saint, c'est Jibril, c'est l'ange, c'est un ange Gabriel, c'est pas Allah. Jibril c'est l'ange que Allah envoie au prophète, c'est pas Dieu lui-même, hein. Donc eux ils disent, hein, Jésus, ils font de lui une divinité alors que c'est un prophète, et l'Esprit Saint qui est l'ange Gabriel, eux ils en font une part de la divinité aussi. Donc c'est comme s'ils disaient il y a Dieu, c'est-à-dire le Créateur, et il y a Dieu Jésus, et il y a Dieu Djibril. Et que les trois ça forme un. Ça fait aucun sens. Hein? Comment le Cheikh il dit? Comment ces trois choses pourraient être une seule? Hein? Ça, c'est quelque chose que la raison ne peut pas accepter. Il ne peut pas concevoir. Hein? Et ça, il n'y a aucune preuve de ça, ni dans le livre, ni dans la sunna. Et même dans leur livre à eux, les chrétiens, tu ne trouves pas de référence ou de preuve à ce sujet-là. La Trinité est mentionnée nulle part dans le livre des chrétiens. Hein? C'est des interprétations de certains passages obscurs qu'ils ramènent et qu'ils interprètent de cette façon. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour dire que, yani, les chrétiens ont une croyance qui est supportée ni par la raison, ni par la révélation. C'est eux qui l'ont inventée, qui l'ont innovée. C'est une bid'a. Hein? Et c'est pour ça qu'ils appellent leur croyance la croyance en la Trinité, at-taflith. Et on les appelle les trinitariens. Ceux qui croient en la Trinité, on les appelle les trinitariens. Et l'histoire aussi nous explique comment cette croyance-là, elle est apparue parmi les chrétiens. C'est que, après que Isa alayhi salam soit élevé aux cieux, Allah l'a élevé aux cieux, donc il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. Mais eux, ils ont attrapé quelqu'un et ils l'ont tué, ils l'ont crucifié et ils ont cru que c'était Jésus, alors que c'était pas lui. Walakin shubbiha lahum, c'est ce qui leur a été pas apparent. Et yani, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant très longtemps, les chrétiens, par la suite, ceux qui ont accepté de croire en Isa parmi les Bani Israël, beaucoup d'entre eux ont été maltraités. Ils ont été torturés et ils ont subi beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Puis également, il y a Paul qui est arrivé. Paul, c'était un juif romain, un juif de nationalité romaine. Et ce juif-là, lui, il a étudié avec un rabbin de son époque. Donc, il a étudié la loi romaine, il a étudié également la religion juive et la Torah. Donc, il connaissait les lois et tout. Et il est allé rejoindre les apôtres et il leur a dit, moi j'ai rencontré Jésus sur le chemin. Ça c'est après que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux. Il est venu, parce que lui faisait partie des gens qui torturaient les chrétiens. Donc il est venu voir les apôtres et leur a raconté qu'il avait eu un message de Jésus, puis que Jésus lui était apparu sur le chemin de Damas. Puis que, après ça, il a accepté de croire en Isa alayhi salam. Il s'est joint à eux. Puis il a commencé à changer le message de Isa alayhi salam, commencé à enseigner d'autres choses. Non, il déforme la religion. Abdullah ibn Saba, parmi les musulmans, c'est un juif du Yémen qui a lui aussi accepté, qu'il a fait semblant d'accepter l'islam pour déformer le message de la religion. Et c'est lui qui est le fondateur de la religion des Shia, un des premiers groupes qui a dévié de l'islam. Donc eux, ils créent des sectes pour diviser les croyants. Donc Paul, il a fait la même chose. Il est venu parmi les gens qui ont cru en Isa alayhi salam, puis il a essayé de les diviser en inventant des croyances à propos d'Isa. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Donc le christianisme a commencé à se propager dans la région. Et Paul, lui, il a encouragé, parce que Isa alayhi salam, à la base, il a dit: moi je suis venu seulement pour Bani Israël, je suis pas venu pour les autres peuples. Mais lui, Paul, il a au contraire insisté pour que le message soit prêché chez les non-juifs, chez autres que les Bani Israël, c'est-à-dire les Grecs, les Romains, les Grecs et les autres. Donc il a adapté le message de Isa pour que ce soit accepté chez ceux qu'ils appelaient les païens. Donc il a aboli ou annulé beaucoup des aspects de la Torah et des règles de la charia de Moussa alayhi salam, parce que il pensait, il dit: ah, mais les païens, ils vont pas accepter ça. Donc il a aboli ça, il a aboli beaucoup de principes, des choses qui étaient connues, acceptées dans la religion, il les a changées. Et c'est par la suite que à un moment donné, ils disent vers le 3e siècle ou le 4e siècle, à l'époque de Constantin, un des empereurs romains, lui Constantin, il a vu que dans le christianisme il pouvait y avoir un support pour lui dans sa politique, et il a vu que les chrétiens étaient bien organisés. Alors il a déclaré la religion chrétienne comme une religion officielle dans l'Empire romain. C'est à ce moment-là que les chrétiens, à partir de ce moment-là, ils ont eu la liberté de pratiquer leur religion parmi les Romains. Et donc, on retrouvait à cette époque-là les temples pour les idoles et les églises. Et lui, d'une certaine façon, il n'a pas déclaré tout de suite, la religion chrétienne comme étant la religion générale pour les Romains, mais il a fait en sorte qu'il soit accepté. Hein? Et donc c'est pour ça que petit à petit les chrétiens commençaient à prendre plus d'importance et plus de place. Sauf qu'il a constaté que parmi les chrétiens, il y avait entre eux-mêmes des différences et des divisions, que certains chrétiens croyaient en l'unicité de Dieu et que Jésus était un prophète. D'autres chrétiens qui croyaient que Jésus était Dieu ou le Fils de Dieu ou Dieu incarné. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Eh bien, lui, Constantin, il a fait réunir tous les évêques de toutes les régions, hein, de l'Empire romain. Il les a fait réunir à Nicée. Et c'est ce qu'on appelle le concile de Nicée. C'est le premier concile qui a eu lieu parmi les chrétiens, hein, à cette époque-là. Et c'est Constantin qui l'avait ordonné. Hein. Et on sait qu'à cette époque-là, il n'était pas chrétien encore, il n'était pas considéré. Il s'est converti, Constantin, sur son lit de mort. Alaykoum salam wa rahmatullah. On dit que Constantin s'est converti au christianisme sur son lit de mort. Hein? Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste essayé d'organiser les chrétiens et essayé de les mettre d'accord sur une seule croyance. Donc, comment ils ont procédé pour déterminer qu'est-ce qui allait être la croyance des chrétiens? Eh bien, ils ont procédé par vote. Hein? Ceux qui étaient plus en faveur avec la Trinité, hein, ont voté, et c'est eux qui ont eu la majorité, donc ils ont adopté cette croyance-là comme étant la croyance officielle de la religion chrétienne de l'époque. C'est comme ça que la Trinité a été adoptée parmi les chrétiens. Hein. Et qu'est-ce qui a été déterminant aussi pour choisir les textes bibliques qui allaient faire partie de la Bible, du Nouveau Testament? Eh bien, ça aussi, ça a été décidé par vote. Hein, parce que il n'y avait pas encore un corpus de livres qui était, disons, accepté par tous. Dans le Nouveau Testament, certains chrétiens avaient certains livres que d'autres n'avaient pas. Hein, ils ne croyaient pas tous en les mêmes livres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté encore une fois pour savoir quel livre allait faire partie de leur livre, de leur Bible, hein, ou non. C'est pour ça qu'on retrouve parmi les chrétiens différentes versions de la Bible. Et que certains, par exemple les protestants, ils ont une Bible différente que celle des catholiques. Et qu'il y a des livres que les catholiques ont dans leur Bible qui n'existent pas dans la Bible protestante. Hein? Ils ne sont pas d'accord sur les livres. Certains livres que certains ils considèrent apocryphes, ils disent ça c'est des livres apocryphes, ça veut dire que ce n'est pas des livres inspirés par Dieu. Tandis que d'autres, ils disent, oui, ça, ceux-là sont des livres inspirés par Dieu, donc ils font partie de la Bible. Mais les protestants considèrent que les catholiques ont des livres apocryphes dans leur Bible. Donc, ils ne sont pas d'accord, les deux, sur le contenu de la Bible et qu'est-ce qui est inspiré par Dieu dedans. Certains disent, hein, qu'ils ont des livres qui ne sont pas inspirés par Dieu, soi-disant. Oui, les orthodoxes aussi, puis d'autres groupes aussi. Hein. Il y avait beaucoup plus que... Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dans leur Bible? Ils ont quatre livres qu'ils ont attribués à des apôtres, sans compter Luc, parce que Luc, ils savent que c'était pas un apôtre. Il le dit lui-même dans l'introduction de son livre, il dit qu'il n'était pas témoin direct des choses. Il a écrit ce qu'il a entendu. Hein, est-ce qu'il a ce qu'on lui a dit? Mais sinon, Matthieu, Marc, Luc comme Jean, donc ils disent ces trois-là, ils disent que c'était des apôtres, alors que ça aussi c'est pas vrai, hein? Parce que les historiens de la Bible, ils ont vu que les documents qu'ils ont, les manuscrits qu'ils ont, sont beaucoup plus tard que ces apôtres-là. Donc, c'est pas eux qui ont écrit ça. Et aussi, la langue dans laquelle ils ont même l'évangile de Jean, celui qu'ils ont de Jean, ils disent que c'est lui qui a été le plus tard des quatre. Et il est en grec. L'original qu'ils ont est en grec. Donc, ça indique que c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, parce que Jésus ne parlait pas grec, bien entendu. Et donc, ça veut dire que ça a été une traduction. C'était une traduction. Donc, tout ça pour dire que l'origine, comment le christianisme a été fondé, déjà depuis le départ de Isa jusqu'à 325 ans, hein, et qu'à partir de Constantin, comment ça a évolué par la suite, tout ça pour dire que, hein, il y a eu beaucoup d'égarements, de divisions, de divergences, hein. À un certain moment donné, parmi les chrétiens, il y avait en Europe trois papes en même temps, à certaines périodes. Et le pape qui était à Rome, à un moment donné, ils en ont établi un autre à Avignon, en France. Hein. Donc, il y avait un pape à Rome, il y avait un pape à Avignon, puis il y en avait un troisième aussi. Donc, il y avait constamment des conflits, il y avait constamment des guerres entre les chrétiens, entre les catholiques eux-mêmes, entre les papes, hein, différents papes, sans compter les protestants, sans compter qu'est-ce qui est arrivé avec les protestants, sans compter qu'est-ce qui est arrivé avec les orthodoxes, hein, tout ça, c'est des exemples qui montrent que cette religion-là, la religion des chrétiens, elle est pas vraiment basée sur quelque chose de solide, hein. Elle n'est pas basée sur quelque chose de solide. C'est quelque chose qui est flou et qui est vraiment obscur, qui n'est pas facile à comprendre, même pour les chrétiens eux-mêmes. Leur Bible, bon, allez, leur Bible, quand tu la lis, tu vois que c'est beaucoup de choses qui sont mentionnées, qui sont insensées même pour eux. Donc tout ça pour dire que leur croyance, la croyance qu'ils ont aujourd'hui, c'était pas la croyance de Isa alayhi salam. Jésus n'a jamais enseigné ces croyances-là. Et c'est pas ça la religion de Isa alayhi salam. Eux, ils ont inventé quelque chose et ils l'ont appelé christianisme. Et ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Isa alayhi salam. Puisque qu'est-ce que Isa a enseigné, c'était en accord avec qu'est-ce que les prophètes précédents ont enseigné. Tandis que eux, ils ont inventé quelque chose, des croyances, hein, qui ressemblent plus aux croyances des Grecs de l'Antiquité, avec la mythologie et des Romains, hein, et de leur mythologie, que de la religion des prophètes qu'on retrouve par exemple dans les enseignements de Ibrahim et de Moussa et des autres prophètes qui sont venus après, avant et après. Donc tout ça pour dire. Ensuite, le cheikh il dit par rapport à qu'est-ce qu'il pense à propos de Isa et de sa mère, il dit وَلِذَٰلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَوْلَهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَيْسَ لَهُ وَالِدْ وَلَا وَلَدْ وَلَا مُشَابِهٌ مِنْ خَلْقِهِ هَذِهِ هي العقيدة الصحيحة في الله. Donc le cheikh il explique que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé dans le Coran sourate al-Ikhlas, dans lequel il dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, dit c'est lui Allah l'unique, hein, il est unique. Allahu as-Samad, Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses noms c'est as-Samad, et as-Samad c'est celui vers qui tout le monde se tourne, celui que tout le monde a besoin de lui, hein, et vers qui tout le monde se tourne. Dans la traduction, ils l'ont traduit en disant Allahu Samad, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, hein. C'est celui vers le qui on se tourne pour nos invocations et pour nos besoins. Lam yalid, il n'a pas engendré, c'est-à-dire il n'a pas eu d'enfant, walam yulad, et il n'a pas non plus été engendré par quelqu'un, il n'a pas de parents, hein, il n'a pas de parents. Donc ça réfute les chrétiens clairement. Et il dit ensuite walam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'y a personne qui serait égal à lui, hein. Donc ça réfute les chrétiens. Les chrétiens ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a été engendré, c'est-à-dire par la personne de Isa, Jésus, puisqu'ils disent que Jésus c'est le fils de Dieu. Yani, subhanallah. Et il est né, hein, il est sorti du ventre d'une femme. Hein, il est sorti du ventre d'une femme. Donc, ça donne l'impression que Isa, alayhi salam, serait le fils, hein, d'une femme, et quand tu dis qu'il est le fils de Dieu, ça donne l'impression, comme chez les Grecs de l'Antiquité ou chez les Romains, ils pensent que Dieu, il avait des femmes et qu'il faisait des enfants avec des femmes. Donc vous trouvez par exemple chez les Grecs et chez les Romains, dans leur mythologie, il y a celui qu'ils appellent le dieu Zeus. Hein? Et Zeus, c'est le dieu du tonnerre. C'est un des plus forts parmi les dieux de la mythologie grecque. Hein? Et lui, ce dieu-là, eh bien parfois il trouve des femmes humaines sur la terre, qu'il les trouve belles. Hein? Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il les enfante, ou bien il les fait tomber enceintes, hein? Je sais pas s'il les insémine ou quoi. Il a des rapports avec elles par différents moyens, soit par la pluie, soit par d'autres choses, en tout cas. Comme s'il les prend comme femmes, hein? Et puis elles enfantent un enfant, et cet enfant-là devient un demi-dieu. Il n'est pas 100% Dieu, parce que ses deux parents ne sont pas divins, mais il n'est pas non plus 100% humain, parce qu'il a un parent qui est divin, hein, qui est un Dieu. Donc il devient un demi-dieu. Hein. Et parmi les demi-dieux des Grecs, dans leur croyance, il y avait Hercule. Hein, Hercule. Il y avait... vous avez entendu parler d'Hercule? C'est un personnage connu, hein? Ouais, il y a Persée, et il y en a d'autres encore. Achille, comme tu dis, Achille. Ça, je ne me rappelle pas. Mais je sais, comme le talon d'Achille, là, ça c'est connu parce que il disait que dans tout, peu importe si quelqu'un lui lançait une flèche ou essayait de le tuer sur son corps, ça n'allait jamais l'atteindre. La seule endroit qui était vulnérable, c'était son talon. Alors c'est comme ça qu'il est mort en fait. Quelqu'un lui a lancé une flèche dans son talon, puis il est mort. Donc tout ça, c'est bien entendu des fables, des mythes, comme on dit. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ce mythe-là et les croyances chrétiennes. Hein? Il y a beaucoup de ressemblances. Et chez les hindous, il y a ça aussi. Chez les hindous, il y a ça aussi, des histoires de dieux qui ont des enfants et qui se reproduisent. Hein? des déesses aussi. Hein? Oui, des incarnations, des avatars. Ils appellent des avatars. Hein? Ils disent que Dieu, il prend des formes humaines. Hein? Il vient sur terre dans des hommes. Ils appellent des avatars. Maintenant, aujourd'hui, on utilise les avatars dans les applications. Ils ont utilisé le terme avatar pour ça. Donc, il y a un dieu parmi les dieux hindous, un qui s'appelle Rama. Je sais pas, c'est Rama, puis il y a Shiva aussi, qui est une femme. Et je pense que, je sais pas si entre Rama et Shiva, ils étaient mariés aussi, ils avaient eu un enfant. Et ça, c'est une histoire que j'ai entendue, qu'il était parti. En voyage, il avait laissé sa femme et son fils bébé. Il est parti en voyage, il est parti à la guerre, il est revenu plusieurs années plus tard, peut-être une quinzaine d'années ou vingtaine d'années plus tard, il est rentré chez lui, il a trouvé son fils, mais il ne savait pas que c'était son fils. Il a trouvé un jeune homme devant sa porte. Hein. Alors, il a pensé que c'était un jeune homme, tu sais, qui était avec sa femme. Alors, il lui a coupé la tête. Et sa femme est sortie en pleurant. Elle a dit, non, ça c'est ton fils, pourquoi tu l'as tué, tu vois? Il ne savait pas. Alors, il a pris un éléphant. Il a coupé la tête de l'éléphant, puis il l'a mis sur son fils. Puis c'est le dieu Ganesh, hein, celui que vous voyez, le dieu avec la tête d'éléphant. C'est lui, là. Donc, ça, c'est une de leurs divinités. Donc, tout ça, c'est pour dire, Réani, les gens qui ne connaissent pas Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ont toutes sortes de croyances, hein, ils font n'importe quoi. Hier, il y a un frère, justement, il m'a envoyé une vidéo. Réani, subhanallah, j'étais tellement choqué. C'est... c'est qui m'a envoyé ça? Ah oui. C'est des hindous en Inde qui ils se prosternent devant une vache. Vous voyez, la vache est là. Puis la vache, elle lève sa patte sur son dos. Puis eux, ils pensent que ça, c'est comme une bénédiction de la vache qui le bénit. Là, ils viennent tous un par un se mettre couché devant la vache, et la vache, elle met sa patte sur leur dos. Puis, ouais, bien entraîné, exactement. Parce qu'on lui a appris que quand quelqu'un vient, tu lèves la patte. Probablement, il lui donne un morceau de sucre ou quelque chose à chaque fois qu'il lève la patte. Hein? Ben, c'est ça. Donc eux, ils pensent que c'est un dieu, là, et ils se prosternent devant. Donc, si des gens sont capables de croire en des choses comme ça, puis de faire des exemples de shirk pareil, ça veut dire que l'être humain, quand il ne connaît pas Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne connaît pas son créateur, il peut adorer n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Hein? C'est comme s'il n'a plus sa raison. C'est qui va se prosterner devant une vache et demander à une vache de le bénir? Hein? Ou penser qu'une vache peut le bénir comme ça? Donc ça veut dire qu'ils ont perdu la tête. Et donc ces gens-là, ils croient vraiment que Marie, c'est la mère de Dieu. Ils disent Sainte Marie, mère de Dieu, dans leur prière. Justement, j'avais trouvé un site, un de leurs sites, où ils parlaient de ça. Moi, vous savez, j'étais dans une école catholique, dans des écoles catholiques, presque toute ma vie, au primaire puis au secondaire. Et au primaire, on nous apprenait les prières catholiques chaque matin. Bon, c'est pas tous les professeurs qui faisaient ça, mais certains professeurs, chaque matin, avant de commencer la classe, on devait se lever pour faire la prière. Et parmi les prières qu'ils nous apprenaient, justement, c'était, il y a Notre Père, hein, la prière du Notre Père, ça c'est une des prières les plus connues parce qu'elle est mentionnée dans le Nouveau Testament. Et l'autre prière qu'ils font aussi, c'est la prière à la Vierge Marie. Donc il prie à Marie. Donc bien entendu, ça c'est du shirk. Hein? Marie est mère de Dieu. Si elle est mère de Dieu, ça veut dire que elle doit être plus forte que lui. Surtout quand tu dis que il croit que Jésus est né d'une femme, il est sorti du ventre d'une femme, comme n'importe quel autre être humain, et que donc on le prenait dans nos bras, puis il allaitait sa mère, et puis elle lui changeait sa couche, hein, et puis ça c'était Dieu. Ça fait pas de sens de croire ça. Oui, c'est Yahya, c'est le fils de, je pense que c'était le fils de Zacharia. Oui. Et c'est pour les chrétiens, Yahya, c'est Jean le Baptiste. Ouais. C'est celui qui a été tué. Oui, c'est ça. C'est le cousin de Isa alayhi salam. Non, ils avaient un lien de parenté les deux. Tu sais, dans la Bible, il y a plusieurs gens, et celui qui est, à qui il y a un qui a, à qui un des quatre évangiles est attribué, hein, un des, donc ça c'est pas le même. Que Jean le Baptiste, que Yahya, c'est pas Yahya. Et il y en a d'autres gens aussi. Celui qui a écrit, il y a un autre livre dans l'évangile qui s'appelle les lettres, la lettre de Jean. Il y a aussi l'Apocalypse qui est attribué à Jean aussi, à un Jean. Mais est-ce que c'était le même Jean ou un autre Jean? Déjà, tu sais que leur nom, c'était pas Jean pour de vrai. C'est comment ils traduisent les noms hébreux en français. Ils déforment les noms complètement. Même, on sait qu'en hébreu, il n'y a même pas la lettre J. Ça n'existe pas. Le J, ça n'existe pas en hébreu. Donc, c'est comme même Jésus, c'est pas Jésus, c'est Yahshua. Hein? Yahshua, les chrétiens arabes disent Yassour. Hein? Yassour. C'est Issa, alors ils mettent le Yah à la fin. Ils le mettent, nous on le met à la fin le Yah, eux ils le mettent au début. Issa. Eux ils disent Yassour. Issa, Yassour. C'est pour dire qu'ils ont inversé, peut-être, la croyance en Jésus, ils l'ont mis à l'envers, donc. Donc, il y a ça. Puis, Yahya en arabe, en hébreu, je ne sais pas comment ils le prononcent, mais des fois, je pense peut-être c'est Yohanna ou quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de noms comme ça qui ont été déformés par les langues européenne, parce qu'ils rajoutent des J ou des choses comme ça. Mais bon, donc pour revenir au sujet, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a clairement expliqué, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et il n'y a personne qui lui ressemble parmi ses créatures, hein? Et ça aussi, ça, c'est une réfutation claire. Donc ça, c'est la aqida authentique à propos d'Allah. Et il dit, وَلِهَذَا يُذْكَرُ عَنْ بَعْدِ النَّصَارَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ لَمَّا سُئِلَ عَنْ سَبَبِ إِسْلَامِهِ قَالَ لَمَّا سَمِعْتُ هَذِهِ السُّورَةِ أي سورة الإخلاص أخذت بقلبي واسترحت من تفكيري من تفكير أخذ علي الليل والنهار فكيف يكون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة فلما سمعت هذه السورة استرحت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو الله. Donc le cheikh il explique ici, il dit que les chrétiens, ou certes, on mentionne que certains chrétiens qui se sont convertis à notre époque, hein, lorsqu'on leur pose la question à propos de la cause de leur conversion à l'islam, eux ils disent, lorsque j'ai entendu cette sourate, sourate al-ikhlas, hein, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, elle a pris mon cœur et j'ai été en repos à partir de ce moment-là. Hein? Alors que auparavant, je pensais jour et nuit à cette question, comment trois pourraient être un, ou comment trois pourraient faire un. Hein? Si tu calcules, une mathématique simple, un plus un plus un, ça fait trois, ça fait pas un. Hein? Donc comment tu peux rajouter, hein, des nouvelles notions mathématiques, hein, qui sont contraires à la logique la plus élémentaire, de dire que 1 plus 1 plus 1, ça donne pas 3, mais ça donne 1. Hein? Tu peux pas accepter ça. Hein? Donc, quand j'ai la personne, le cheikh, il dit, celui qui s'est converti, qui lui a parlé, probablement il a dit, quand j'ai lu ça, hein, c'est mon cœur a été en paix. Hein. Et quand j'ai entendu cette sourate, j'ai su, hein, que c'était Allah. Il n'y a rien, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et il n'y a rien qui lui soit comparable ou semblable, égal. Donc ça c'est le point jusque là, on va s'arrêter ici, puis on continuera inshallah la semaine prochaine pour la suite on va, c'est pas la semaine prochaine, c'est demain, pardon, parce que je me suis trompé là. Donc demain on va continuer l'explication du verset 171 dans Sourate An-Nisa à propos de Jésus, le fils de Marie. Donc on va lire un petit tafsir à propos de ce verset et d'autres versets aussi qui parlent de Jésus également. Alayhi salam. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que après l'Asr, inshallah, il y aura encore un autre dars et ce sera le livre de Al-Ubudiyya de Ibn Taymiyyah avec les commentaires de Sheikh Al-Fawzan, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته